Le cinquième festival artistique du peuple Printemps d'avril, ouvert à Pyongyang, capitale de la Corée, à l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, est clôturé. La cérémonie de clôture s'est déroulée le 17 au Grand Théâtre de Pyongyang-Est. Y ont pris part les cadres responsables du parti et de l'État, notamment Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les cadres intéressés, les participants au festival et les citadins de Pyongyang. Il y a eu la remise des prix. On a conféré le prix spécial à 6 troupes, comme la troupe de propagande artistique centrale de la jeunesse, le prix collectif à 18 troupes, le prix d'ensemble à 19 ouvrages et à 12 troupes, le prix de création à 42 personnes et le prix individuel à 59 personnes. Par ailleurs, on a décerné le grand prix, le prix excellent et le prix de création à 7 prestidigitateurs. Les diplômes et coupes ont été remis. On y a adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un. Après le discours de clôture, le drapeau du festival est descendu. Il y a eu la représentation de clôture donnée par les meilleures troupes.